man. Trop d'amour porté, peu t'emporter. Et ça, je connaissais le prix de ce saccage. La transmission du savoir n'ayant jamais été donnée. On tue après la classe, et cela avec la classe. Ça joue du couteau, plante sa vito pour quelque chose de beau. Ou trouver le tort à un enfant. Ça y est, je l'ai trouvé, mais je suis plus un enfant. Ça, comme pas mal de choses, pas mal de choses. Les rumeurs dans les cités tuent des gens. Autant qu'ils tuent certaines vérités. Quand tu regardes avec du recul la vérité. La merde dans les étages nous prive de l'air. L'éclair de par les fenêtres énerve les pères. Les paires de claques qui se perdent génèrent une toute autre atmosphère. Ça c'est pour les mères qu'on respecte. C'est en grandissant qu'on comprend que les coups c'est rien par rapport au G. Rapproport et parodie, son char d'autre MC. Bien mis sur mélodie, maintenant souviens-t'en. J'aime la rue, la vie, ces gens qui m'aiment pour rien. Le délice du plaisir de mon vivant est une chose. Rien pour d'autre, le cauchemar s'annonce. Pendant qu'on pionce, les têtes se troncent. J'énonce ces choses, ces vérités qui ont pour qualité de rassurer. Mais pour moi ce n'est pas le cas, ce pouvoir qu'on dote, je ne m'en sers jamais. La vie aux aguets, le commencement d'une journée dedans peut te poursuivre toute ta vie aussi. Comme si t'avais vendu un mortel paquet. Et ouais, c'est ça la vie aussi, à Paris, sa banlieue, c'est à double tranchant. Le chant m'a épaulé à ne jamais baisser les bras. Malgré les enflures qui tiennent, entre parenthèses, le move fait comme un rat, tapé de près par les siens. Ainsi soit-il, si ça sauve des vies d'humains. Chaque journée pourtant j'ai travaillé mon rap avec ou sans le moral. J'écrivais, je trouvais ça normal. L'effectif ne me manquait pas, maintenant ça l'est moins. J'en suis témoin. J'avance et reviens sur mes pas comme un pit en route, en rut. Je doute pas de ce que je ris, de ce que je dis. Ce que je dis c'est que je doute pas de ce que je vis. Ainsi va la vie. C'est le délire des meufs qui se tapent, qui s'en tapent. Puis deviennent des putes sur le tap. Moi j'en tape des connasses du style. J'arrive pas à faire du vice à des cas déjà aggravés. Déjà marave par les années. Ainsi soit-il, c'est l'amour qui nous rend guerriers. Nous rend sourds, nous rend aimés. Dans l'amour, pour voir d'autres amours, faut forcément aimer. Alors les jours passent sans que rien ne se passe. Vivre libre sans argent, c'est mourir à petit feu. La descente est cool mais douloureuse. Sans effort, on perd le nord, le mort. Sans famille, on part en vrille, chez soi ou dans la ville. Le coloris du mal ne laisse pas de trace. Si je crache mon malheur, c'est que j'en ressens déjà les douleurs. Son mélange de couleurs, jusqu'à violacer parfois sur mon corps. Bleu, jaune sont les hématomes. Rouge quand le coma impressionne. Bouge car peu de choses m'impressionnent. Enfant de malheur, qu'est mon malheur. En fait, quel malheur. Malheur. Être très très petit, avec du cœur mais petit. L'appétit des petits grandit et petit grandit. Petit à petit, tous cassent la gueule. Tous cassent ta gueule pour un non ou un oui. Le respect reste le respect quand tant de choses se perdent. Dans cette grosse merde, on bosse là où d'autres se brossent. Des lois et de leurs représentants sans avoir froid de prendre 10 ou 15 ans. La Tessie, la Tess, on y zone, on y fume, on y regarde le monde. Sans chier des thunes, nous regarde le monde. Sans chier des tubes, nous regarde le monde. Alors regarde le monde, chier des thunes et des tubes. Reprends ta place et pense à ta sale face. De cabot dans la place au lieu de jouer le beau. Reprends ta place au lieu de jouer gros. Souvent on joue, on perd sans demander rien à personne. Là on joue gros, ouais on joue gros. Test, à sanction force on les charge. Ma vie une décharge sur le contentieux d'autres. Vieux bien plus malin barge. J'ai ce monde, large j'ai ce monde. Moi j'en garde pas pour plus tard. Je m'exprime et pas que pour plus tard. Même si par ici la vie est grise. Tes mains ici sont prises justement pour plus tard. Si on enlève les bracelets au poteau, on n'enlève pas les bracelets de couilles au poteau. De couilles au poteau.